Ready? Ready? Let's go! Rail suprême. Mmh. 2 heures. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? C'est parti, comme chaque dimanche soir, il est là en pleine forme, ouais. DJ Case, comment va? Très très bien. Et bah bienvenue à vous tous aussi, DJ Case est là le dimanche pour Rail Suprême. Pour un Rail Suprême consacré à tes mix. Voilà, c'est ça. Et ce soir, exceptionnellement, il y a Ritza qui vient faire un petit showcase tout à l'heure. Il viendra d'ici quelques minutes. On a pris l'habitude, maintenant il y a régulièrement des showcases dans Rail Suprême. Voilà. Il y avait Franco l'autre semaine. C'est ça, Ritza, et puis il y en aura plein d'autres dans les semaines à venir. C'est fou. Hein. Bah ouais, c'est Rail Suprême, ça se... Tout le monde appelle pour faire son petit showcase. Et bah c'est parti, coup d'envoi. Allez. On y va, première session de l'émission avec DJ Case au platine. Go. Comme en Colombie, armé jusqu'aux dents, c'est l'Amazonia. Rail suprême. 2 heures. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Maintenant nos jours peu sont fiables. Cherche pas, je suis grillé. Pour me sortir, faudrait miracle. À quoi tu joues là? Tu crois que je suis ton pote? Tu m'as pris pour qui là? Tu m'as ouvert les yeux. Oh mamma mia. Faites tout chier. Et je m'en tape des gens qui a. Je jugerai pas moi sans savoir quitter. Quand je me sens faible, je demande à Dieu de me guider. Dieu de me guider. Dieu de me guider. J'ai besoin de me vider. Tu es là, tu me fais le killer. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique. Moi je rentre en asile. Viens donc dans ma world. Tu es là, tu vois pas, tu deux. Tu es là, tu me fatigues. Tu fumes du plastique. Sky, tu monteras, et plus tard on te tuera. C'est la loi du milieu, là où des armes et d'égo il y a. Ça te chasse comme à la corrida, ça sert à rien de faire le gorilla. Tu te rappelles, vous riez, maintenant vous êtes là. Heureusement j'ai trié, je ne regrette pas. Et j'esquive toutes ces billacs, sur bébé ils font la criade. Elles mordent pas, font que crier, cherche une suite au kiriade. Et plus rien que je gamberge, ça sert à rien de parler. Fais les choses à ma manière. Tant mieux que ça a marché. Un peu de miel, je la monte en l'air. Coudrait, elle crie mon nom. Deux, trois belles paroles en l'air. Et elle me dit t'es mon homme. Tu es là, tu me fais le killer. Tu n'es qu'un videur. Y'a rien de fantastique. Moi je rentre en Asie. Viens donc dans ma world. Tu es là, tu vois pas, tu deux. Tu es là, tu me fatigues. Tu fumes du plastique, tu es là, tu me...

vas-y, souris, tout est clair. Regarde, t'assiste, commence, je finis, tout est clair. Vamos, chérie, fais du physique, tout est clair. Twerk toute la nuit, très clair. Clair, clair, clair, vas-y, twerk, twerk, twerk. Clair, clair, clair, vas-y, twerk, twerk, twerk. Clair, clair, clair, vas-y, twerk, twerk, twerk. Clair, clair, clair, vas-y, twerk, twerk, twerk. Clair, clair, clair, fais le boulot, fais le boulot, fais le boulot. Clair, clair, clair, fais les dentelles, fais les dentelles, fais les dentelles. Maman, le son qui fait mal, pourtant j'arrive gentiment. Salut, c'est DJ Kaze, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour le Rail Suprême. On y go, j'suis pas ton leader, j'suis pas ton pote. On y go, c'est juste des sons, juste des photos. On y go, tu feras ce qu'on donne, tu donnes ce que tu peux. C'est juste un bis, j'arrive si tu veux. J'suis pas là pour un fou les types. J'm'insulte sur le net, j'suis pas Ghostbuster. J'm'insulte en face bang, j'suis pas boxeur. J'ai traversé le monde bêta dans le boxeur. Pas forcément sur les ondes, mais dans le top zéro. C'est le peuple qui m'a porté, le bled qui m'a forgé. Même si l'avenir est incertain, on avance avec fierté. Tu n'y arriveras pas même avec créatine. Non, tu n'y arriveras pas, je suis trop créatif. C'est l'artiste, baby, tu connais le blast. Toutes mes copines te diront que c'est la base. Calme, calme, laisse-moi kiffer la vibe. Je suis venu cracher ma rage et me barrer comme diable. On y go, je suis pas ton leader, je suis pas ton pote. On y go, c'est juste du son, juste des photos. On y go, tu vas tout donner, tu donnes ce que tu veux. C'est juste un fils, j'arrive si tu veux. Je suis là pour un fou, tu veux. J'ai dit, bizarre, belle gavie. Suprême sur Skyrock. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. Ankara.

merveille. Rien n'est plus comme la veille. C'est pas le jour de la paix, mais le jour de la paix. Toujours frais, chambon, mon parfum c'est oseille. DJ Play, mon son, il se ruine en bouteille. Incroyable mais vrai, MC en bébé gay. M'arrive toujours pas, là je vis encore moins à l'orteil. J'ai dû m'envoler, blasé. Pas le sommet, veulent me violer, bronzer. Sous mes rayons de soleil, ils font les beaux, ils font les chauds. Stupide dans leur clip, mais n'ont pas le charme du ghetto. Dans la rue, ça part plus vite, flic, bang. J'suis pas un boy spin, ni un gangster. Les jaloux font les dingues, savent devant qui est gangster. Mando sous l'eau, t'es sincère, tant qu'à faire. Monde un libéral qui sincère, légendaire. Pour les gens durs, je suis tout ce que j'en dure. En temps d'air, ils portent un string dans mon flingue, c'est la joie en dur. Minuit, 2h avec Fred et DJ Kay sur Skyrock. J'attends mon steak ligoté à l'assiette. Avancez pas la fête, on signe des lèvres à la base de la tête. On rejoue pas le guide, on crame l'air. Des millions de la tour Eiffel au main, time shade. Sorti sous un rabat, cet été je sors là-bas. Ça fait longtemps qu'on l'a pas. Maintenant les meufs elles sortent là-bas. Le bled là à son prix, moi je crois que t'as pas compris. Ça fait 10 ans mon frère, ils vont tous croire que je suis sorti son prix. On a une photo, la musique on la porte. De l'usine on la porte, pas d'élan à fond qui dans la porte. Maghreb United, c'est que chez nous y'a d'abus. Si tu sais pas ta vue, je te raconterai ma dernière carte à vue. La force ne voulait pas, mais qu'elle a longtemps hésité. Ils confondent la laïcité, fondant la laïcité. Frère, je te dis qu'on a le niveau en mode Nambo 9-3 Serbie, déjà ça y est, fais qu'elle pique gros. Oh. Tourne au verso, vite, vite, vite. On réveille à 15h, ça oui, j't'ai pas rappelé. Mais personne te valide, vite, vite. T'as kiffé la serveuse, t'as pas laissé de pourboire. Car tes poches sont vite, vite, vite. J'me barre d'ici, j'ai pas le temps de parler. Désolé, j'suis speed, speed, speed. Tu fais pitch, Rai Suprême. DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. T'as des best parts, faut leur mettre des films. Comme sur Insta, tu fais pitch, fais pas la resta. Ta soirée est naze, désolé, on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des best parts, faut leur mettre des films. Comme sur Insta, ils ont voulu nous test, Royal Easter. Moi, j'paie toujours mes dettes comme à Lannister. Les gars tiennent la route avec ou sans mi peur. J'oublie pas mes textes devant l'inspecteur. J'suis dans toutes les bouches comme du El Fakir. Une révélation comme mon pote au je sais tu m'as pas vu car y'a un mur de bouteilles. Nous on n'est pas des vendus mais on sait que tout se paye. Gros tu fais pitié, fais pas la resta. Ta soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des fils comme sur Insta. Tu fais pitié, fais pas la resta. Ta soirée est naze, désolé on reste pas. Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa. Faut leur mettre des fils comme sur Insta. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Benga, benga, baila. Habillé chez des grands couturiers, yeah. J'ai jeté les clés aux voitures, yeah. Pour boire de cinglé, danse de voyou, danse de guerrier. Là tout de suite il me faut un million. Un petit massage avec finition. Quand on arrive ça sent la corruption. J'roule en hybride, j'veux pas de pollution. J'lève mon verre aux absents. Des billets claques qui sont brillants. J'lève mon verre aux absents. Faut tomber pas tous en prison. Sac vite en bas, le coffre dans le club, dans le bloc. On s'adapte à l'époque. J'partage la cagnotte, on sirote le sirop. Baby t'es mon copilote. Gauche droite, salsa ou rail. On t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, faut que les représailles. Ça c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau. On va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau. Je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous. On t'apprend la danse des voyous. Comme un voyou, on t'apprend la danse des voyous. Prends la danse des voyous, prends la danse des voyous. Prends la danse des voyous, prends la danse des voyous. Prends la danse des voyous, prends la danse des voyous. نبكي نشكي وأقول علاش عليا هاد الحالة قطعت بحور زماني دور والغربة قد تالم نبكي نشكي وأقول علاش عليا هاد الحالة بركاني يا العالم اللي توحداني غريب وبرا Algérie, Algérie, Algérie, Maroc, Maroc, Tunisie, Tunisie, Tunisie, Tunisie. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Sur Skyrock, ouais, avec une première session mixée. Et ouais. Et là, ça continue avec Ritza qui débarque dans un instant. Ouais, c'est ça. Juste après la pub, on se fait un petit showcase Ritza. Et puis juste après, on enchaîne la musique. Donc dimanche soir, c'est la fête. Hashtag Rise Supreme. Allez-y, balancez plein de messages. Et puis suivez DJ Case aussi hein, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Ouais, sur, pour avoir toutes tes soirées. C'est ça. Sur la page fan Facebook DJ Case, DJ espace KYZ. DJ Case dans le monde entier, je crois que tu seras bientôt en Thaïlande. Ouais, c'est ça, le 27 janvier. Mercredi 27 janvier, c'est. Voilà, il y a énormément de Français. Ah ouais, bah. Je dégoûte. Vous enverrez une carte postale. Sympa. Et il y a énormément de Français. Donc, tous ceux qui ont prévu d'aller en Thaïlande à cette période, je serai le mercredi 27 janvier aux Séductions à Phuket. C'est très Phuket. Connu. Voilà. Le Séduction, DJ ouais, Case, c'est, tu te crois en France quand t'es là-bas pour c'est le feu. Ouais, c'est le feu. Bon, bah pour tous ceux qui partent, tous ceux qui sont, qui nous écoutent là-bas via l'application Skyrock, n'hésitez pas, 27 janvier, on vous envoie DJ Case. Allez, c'est parti. Case ouais. Et Ritza. Yes. C'est dans un instant. Yeah, yeah. DJ Case, Axel Tony, Rise Supreme, Skyrock. Vali validé. Tu connais le phénomène. Rise Supreme sur Skyrock. Yeah, yeah. Tu

Ce soir je traîne en gamos, je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss, je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse. Et je m'enjaille, ouais that's it die. Et je fais mes bails, vas-y wine. Et je mange j'aille, j'aille, j'aille. Là c'est dine, dine, dine. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y wine, wine, wine. Là c'est dine. Là c'est dine. Rail suprême. Là, là c'est dine. Rail suprême, minuit, minuit, deux heures. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. Là c'est dine. Là c'est dine. Rail suprême, minuit, minuit, deux heures, avec Fred et DJ K sur Skyrock. C'est pas méchant, DJ K au platine. Pas méchant, pas méchant. Pas méchant, pas méchant. Comme le métro, je suis blindé, je suis Othello, GRDV, follow follow, elle a cliqué, bête de go, elle est validée, jeu de jambes, venu d'ailleurs, tu veux ma montre ou juste l'heure, là je suis pris, on s'appelle ta l'heure, j'en ai seulement pour trois quarts d'heure. Non non c'est pas méchant, on ne fait pas semblant, chérie c'est bon déjà. Je suis pas à 100%. Tu veux le numéro de ma chambre, ta glodasse. Viens avec une copine à l'occasion. Non, ne fais pas genre que t'es loca. Tu dégages au moindre faux pas. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non là là, c'est pas méchant. Je te le dis, non c'est pas méchant. Ma chérie, non c'est pas méchant. Tu connais, non c'est pas méchant. Ma chérie, non c'est pas méchant. Kérida, Kérida, et seulement sur Skyrock. Skyrock, DJ Case. Elle le sait, j'aime les câlins. Elle veut jouer, elle aura un gamin. Tu connais, on est malin. Où serais-je demain matin? Tu m'as vu sur les réseaux. Tu cherchais de l'affection. Tu veux plus qu'un beso. Me mens pas, j'ai raison. Ah oui, Miami ou Rio, on ira où tu voudras. Je m'en fous d'être le numéro uno. Tant que la mama a sa villa. Oh là là, oh là là, oh là là. Non là là, c'est pas méchant. Je te le dis, non c'est pas méchant. Ma chérie, non c'est pas méchant. Tu connais, non c'est pas méchant. Faut que tu me follow, faut que tu me follow. Faut que tu me follow, faut que tu me follow. Vas-y moro, vas-y moro. J'suis pas solo, j'suis pas solo. Passe-moi ton fandel. Passe-moi ton fandel. Peut-être que je te rappelle. Dis-moi ma belle. Tu veux le numéro de ma chambre, ta glodasse. Viens avec une copine à l'occasion. Non, ne fais pas genre t'es loca. Tu dégages au moindre faux pas. Oh là là, viens follow me. C'est jeu de jambes. J'te taquine. C'est pas méchant. J'te le dis, non c'est pas méchant. Ma chérie, non c'est pas méchant. Tu connais, non c'est pas méchant. Ma chérie, non c'est pas méchant. Viens follow me. C'est jeu de jambes. Ouais, j'te taquine. C'est pas méchant. Non c'est pas méchant. Ma chérie, non c'est pas méchant. Tu connais, non c'est pas méchant. C'est pas méchant. DJ Case, Rail Suprême, Skyrock, yeah. Justin Records. Minuit, 2 heures. Rail Suprême. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Oh,

I sabi do the Ronaldos. I got the power. Me and all the butter. I know be footballer, but I sabi do the Ronaldos. Take it, take it, Alaji. Take it, take it, Alaji. Okay. Oh yeah, show no wahala. You dey making me go mada. Baby go go hada. You dey making me wanna crazy. Oh today. On t'a pas dit de ne pas t'amuser avec moi. Pourquoi? putain. Aïe. Parfumé jusqu'aux pieds, bijoux en top, non. C'est pas grave. T'as mis les chaussures croco mais sans chaussettes, ah, non. Hein. Ça c'est grave. Wesh, ngira, j'tekere shamani. S'installe tout doucement. Fais comme tu le veux, ouais, fais comme tu le sens. Comme on dit là-bas, c'est 100%. Aïe, 100%. Ouais, gros. Eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, eh papi, sur le torse, t'as reconnu le logo Warano, wanted comme un putain d'autobo. Elle est loin, l'époque de la Deli Delo. Mon stylo est choqué, j'écris au stabilo. Ma chérie suprême, DJ Kaist, ambiance avec tous les sons du moment. C'est Skyrock. J'ai pris tellement de râteaux que t'es devenu jardinier. C'est le dîner de convient que t'invite à dîner. Rendez-vous ce soir, pas loin de rue de la pompe. Puis j'arrive à Yep, demi de la paire de pompes. Les chiens de la casse accostent les femmes enceintes à terme. Bâtiment des 6e étage, monte qu'on enfile des perles. Je sais pas avec la petite cuillère, mais quand je marche à Yep, soudain tu décélères, aborde ce SLR, et dans ton bled, tout le monde m'appelle déjà. Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee. Mon rêve d'enfance, un château de sable. J'donne tout dans les grandes et les petites salles. Hey, merde, tu tournes les temps, pourtant je perds mon time. Seul posé côté passager, je vois du monde arriver. La plupart ont pas chassé, je vais toucher tout le monde. Même les mecs de chasse et pêche quand tu parles d'oseille. C'est normal que j'en dépêche, ma chérie. Donne-moi ta main sans réfléchir, ta beauté est telle qu'elle détruit des familles. Ma chérie, donne-moi ta main sans réfléchir, ta beauté nous empêche tous de réfléchir. Je sais faire avec la petite cuillère, mais quand je marche à Yep, soudain tu décélères. Tu décélères, aborde ce SLR. Et dans ton bled, tout le monde m'appelle déjà. Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee. Yerinden çaplatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş, eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seray Süprem.

On va faire les cœurs ensemble, ça va? Ouais. Sidi Abdel الهم يا سيدي بوم الجم انا في برضك الهم يا سيدي الهواري سلطان الغاري وش بني عبد الله سلطان العالية d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans sang comme dans sang, pensant. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes on s'éternise, on croit pas valer du râle. Nos réputations s'éternisent, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas ton délire, on t'admirer. Tu menaces pas, après je m'en irai. Vivant, libé devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend à l'histoire. On s'en fait tard, les cris qui entrent. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tiers là-bas, et se confier à Dallas Lee. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husli. Cette ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Skyrock.

ماشي في سيستم برو Aïcha, écoute-moi.

moment sur Skyrock.